Let's rock! Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Chapi qui vous parle. Alors aujourd'hui, on a un numéro un petit peu spécial, étant donné que c'est moi qui vais l'animer. Numéro spécial, en fait, où, à l'initiative de Devine Chéré, numéro spécial, on va parler en fait d'une série culte que beaucoup d'entre vous doivent connaître, voire aimer, qui est la série Alien. Donc, numéro spécial, étant donné que on va parler que de ça pendant une heure à peu près. On va surtout s'attarder sur les quatre premiers épisodes, les quatre de la série. On parlera à la fin de Prometheus et d'Alien Covenant, mais on en reparlera après. Numéro un petit peu spécial, nous avons perdu un de nos acolytes, le sieur Kilvan, probablement emmoussé dans des soirées alcoolisées parisiennes. Ouais, je crois que tu allais dire nous avons perdu un de nos alcooliques. Ouais, ouais, non, voilà. Mais il y a eu un lapsus parce que tu vois, il a dit acolyte. Mais ça a dit alcoolite. Donc, hein. J'ai essayé un petit peu de lui sauver la face, mais c'était un peu compliqué. Voilà, donc, nous sommes donc en trio ce soir avec la reine des aliens. Hein, parce que vous savoir que May, qui est avec nous ce soir, élève des petits aliens chez elle. Et ouais, j'en ai deux. Voilà. C'est magnifique. Et bien sûr, nous avons notre homme chargé d'amour pour les aliens, étant donné que, on peut le dire, Vincerette, ta passion, c'est les aliens. Exactement. Je suis un fan hardcore de aliens. Voilà. Donc, comme j'expliquais, on va avoir une heure, grosso modo. On va faire, je suppose, 10-12 minutes pour les quatre premiers épisodes. Et les deux derniers, on se gardera 10-12 minutes aussi. Ça fera un total de une heure. Ah, j'ai eu peur. Je crois que tu disais, on va se garder 10-12 minutes pour les quatre premiers. Et puis après, on va se faire 45 minutes de Covenant et de... Non. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, quand même. Oh mon Dieu, quoi, l'horreur, quoi. Tu sais, 10-12 minutes par épisode, oui, évidemment. Oui. Oui, oui. Et Prometheus et Alien Covenant, on gardera 12 minutes donc, pour parler en fait, des deux, étant donné qu'ils ont des points communs dont on parlera plus tard. Donc, sans transition, je vous propose qu'on attaque sur le premier, hein, qui est donc le huitième passager d'Alien. Alors, j'ai préparé un petit peu mes petites fiches pour vous planter un petit peu le décor pour ceux qui ne connaîtraient pas encore complètement. Si c'est pas le cas, merci d'aller vite vous acheter les Blu-ray, les DVD, ce que vous voulez. Mais allez vite acheter la série pour les regarder. Donc, le premier Alien, donc, qui est de 1979, hein, donc c'est quand même pas tout jeune, qui a été réalisé par Ridley Scott. Le pitch est assez simple. En fait, c'est un film, on va dire, de science-fiction d'horreur qui se passe dans l'espace. Et en fait, le pitch en une ligne que j'ai récupéré sur nos amis de Wikipédia, un monstre extraterrestre tente de tuer un groupe de 7 personnes dans l'espace. Voilà. C'est pas, comme dit comme ça, ça n'a pas l'air d'être vraiment hyper impressionnant. Le film a pourtant cartonné, car à l'époque, c'est quand même 78 millions de dollars de box-office américain, donc ce qui pour l'époque est énorme. Et ce qui a mis vraiment, je pense, la popularité de la série, c'est le monstre, l'alien en lui-même, de par son costume et les effets visuels rendus par la série. Petite info, comme ça, Alien, donc le premier, avait obtenu à l'époque l'Oscar des meilleurs effets visuels. Bon, ça, c'est pas trop de surprise. Et faut savoir qu'en 2002, il est rentré à la Bibliothèque nationale du Congrès américain en tant qu'œuvre culturelle, historiquement ou esthétiquement majeure / important. Donc, pour dire que ce film-là a vraiment baigné toutes les années 80. De par son film, de par sa qualité. Et donc, j'aimerais un petit peu que May et Vincere me parlent un petit peu de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu percevoir dans ce film et des thèmes qu'ils aimeraient échanger sur ce sujet. Alors, une précision, c'est vrai que ça a lancé la vague du film de science-fiction horreur, mais ça a pas lancé que ça. Hein. Ça a aussi lancé Ridley Scott parce que de mémoire, je crois que c'était son premier film, enfin son premier long métrage. Je veux pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et je vais vérifier en même temps. Vas-y, ouais. Continue, et Sigourney Weaver aussi, hein, évidemment. Après ce film, elle a eu une notoriété qui, voilà, on l'a retrouvée dans le Ghostbusters, dans d'autres films à grand succès, à grand budget, à grand succès. Donc c'est quand même des. Il y avait John Hurt aussi, hein, qui est un excellent acteur qu'on a retrouvé aussi plus tard dans de très bons films. Donc voilà, Ian Holm aussi, hein, qui un acteur qui a été connu par la suite et qui était avant, mais voilà, il y a quand même ça a quand même lancé beaucoup de choses et ça a fait reconnaître des acteurs de talent et aussi un style qui a énormément plu au public. Et d'ailleurs, en plus du film d'horreur et de science-fiction, c'est avant tout un huis clos, hein, le premier Alien. Hein. Je trouve que c'est il y a un caractère très oppressant dans ce film, et ce sera le seul, à mon avis, enfin de mon opinion, c'est le seul qui arrive aussi bien à transmettre ce caractère oppressant. Ouais, parce que ben, c'est vrai que c'est un huis clos, de toute façon t'es dans l'espace, donc tu peux pas faire autrement qu'être en huis clos, hein, faut le dire. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça a aidé vraiment. En fait, tu te mets à la place un peu des personnages, quoi. T'es dans l'attente de ce qui va se passer, tu sens qu'il y a une certaine tension, quoi. Donc c'est que ce soit en huis clos, justement, c'est ça qui a apporté la touche, je pense. Enfin, oui. C'est ça qui m'a plu dans ce film là, quoi. C'est que vraiment t'es sur le qui-vive à chaque instant, quoi. Mais en tant qu'acteur, tu peux pas t'empêcher de te demander où est passé l'alien, qui va passer, c'est qui le prochain et tout. Donc ouais, mais c'est ça a exactement les codes. T'as les codes du slasher des années 80, mais avant les années 80, quoi. C'est assez carrément. C'est assez marrant. Alors juste du coup pour expliciter un petit peu le scénar et pour en parler. Donc on a un équipage donc qui est sur l'USS Nostromo, qui est un cargo de commerce, de livraison. Et donc on a un équipage de 7 personnes plus Jones, le chat de Sigourney Weaver, enfin de Ellen Ripley en l'occurrence. Et du coup ils sont en train de faire un voyage de cargaison. Et il travaille pour la Weyland-Yutani. Alors ça va être un des thèmes majeurs aussi de Alien. C'est l'impact de la Weyland-Yutani, qu'on aura sans doute l'occasion de préciser un petit peu plus tard. Mais voilà, cette entreprise qui a été créée par Peter Weyland et qui donc leur ordonne d'aller faire des recherches sur une planète qui s'appelle LV-426, enfin qui n'a pas de nom, mais qui s'appelle LV-426, et du coup ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, et voilà, ils vont faire une rencontre qui aura choqué beaucoup de gens. Je pense que de toute façon la scène du repas, ça a marqué absolument tout le monde qui a vu le film. Très grand moment. Ah oui, non, mais c'est vraiment. Cette scène, pour moi, c'est la scène iconique du film, hein, avec une esthétique complètement blanche, justement, et cette explosion de sang partout. Enfin, je pense que pour l'époque, c'était quand même assez. Enfin, c'était même hyper osé. Hein, je sais pas si vraiment il y avait des esthétiques comme ça à l'époque. Enfin, pour moi, de toute façon, le premier Alien, le 8e passager, c'est vraiment un film qui est en avance sur son temps. Hein. Vous pouvez le regarder aujourd'hui, vous trouverez peut-être le rythme un peu lent. Mais si vous êtes pris dans l'atmosphère, c'est un film qui reste extraordinaire. Bon, pour moi, c'est mon film préféré de la série Alien, pour différentes raisons, notamment parce que c'est un huis clos et que l'ambiance met vachement de temps à se mettre en place. Mais c'est jamais chiant. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on découvre de plus en plus l'univers. Et après, voilà, la deuxième partie où tout le monde va se faire décimer un à un. C'est vraiment, il y a deux parties distinctes, mais qui sont toutes les deux très très bien menées. Et je voilà, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une œuvre assez incroyable. Un point après, aussi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose aussi pour moi dont vous parlez finalement peu, mais ce qui envoie du pâté, c'est l'alien quand même, parce que il a quand même une gueule de badass comme c'est pas permis. Il fait vraiment flipper. Ah oui, ça, et toute la partie effets spéciaux qui tourne autour de cette alien-là le rend en fait un côté mystérieux, et qui est en plus contrebalancé par le fait que t'en apprends finalement peu. Tu sais pas d'où il vient, Tu sais qu'il pond des œufs, mais tu sais pas trop pourquoi. Alors, tu sais même pas qui pond des œufs. Hein. T'as juste. Tu sais même pas où. Tu sais même pas d'où viennent les œufs. Voilà, tu sais pas trop d'où ils sortent. Qui en sort, quoi. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, alors juste, ouais, on va revenir vite fait sur la genèse de Alien pour que les gens comprennent. Mais donc, c'est un film de Ridley Scott, mais c'est pas. Ridley Scott n'a pas inventé Alien. Hein. Alien, c'est une idée des scénaristes Dan O'Bannon et Walter Hill qui travaillaient sur un scénar d'un court métrage avant qui était plutôt orienté comédie sci-fi. Et qui ont l'idée de transformer cette comédie en un film d'horreur. Et donc, ils se sont tournés vers Ridley Scott. Alors, j'ai regardé entre-temps, c'était son deuxième film, Alien. C'était pas son premier, je me suis trompé. Ouais, tout à fait. Il était tout jeune, quand même. Voilà, il était tout jeune, il n'avait pas trop d'expérience. Et donc, ils ont demandé à Ridley Scott de tourner ce film. Mais Ridley Scott, voilà, est un simple exécutant. Je veux dire, c'est pas lui qui est le dépositaire de l'univers Alien. Donc, voilà, faut pas non plus enfin, c'est pas George Lucas, quoi. Pour faire un parallèle avec Star Wars. Et le truc qui est intéressant, Alien, le mot Alien en anglais, c'est un nom commun avant tout. C'est quelque chose d'extraterrestre, de xénomorphe. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est un nom commun. Et c'est, pour le public anglophone déjà, c'est un ancrage qui est assez important parce que le titre du film ne raconte absolument rien du film. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est hyper intéressant. Je crois que sur la première affiche du film, tu avais juste un œuf, et donc tu as en gros extraterrestre quoi, qui est marqué. Donc ça te donne aucune indication sur le film. Bah c'est comme aussi les photos promo où t'en as pas mal de Sigourney Weaver avec le chat. Donc quand tu vois que ces photos là, bah tu t'attends pas en fait à ce que ce soit vraiment un bon truc qui va te foutre les pour le reste de ta vie, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais je reste persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de la tournure du film quand ils sont allés le voir en salle la première fois. Hein. Je pense que à partir de l'éclosion du Chessbuster, ça a dû être chelou pour pas mal de gens. Surtout mais... que ça se passe, enfin, c'est ça, c'est vraiment le temps dure pas. Donc c'est un truc convivial, ils sont là, ils s'amusent, ils mangent, ils sont contents parce que leur pote, il est pas... Parce que justement, il s'est fait agripper par une des choses qui sortent de l'œuf. Le facehugger, ouais. Ouais, et du coup, bah, une fois que la bête est partie, donc il savait pas ce qu'il en était, il s'est réveillé normal comme une fleur, donc ils étaient contents. Oui, c'est ça qui est pire, ouais, c'est ça le pire. C'est ça le truc. Mais c'est vraiment des conversations anodines. Et d'un coup, c'est là, il se met à convulser, et puis t'as l'alien qui sort, quoi. Ouais, c'est assez frappant quoi comme moment. Ouais, carrément. Mais du coup, ouais, juste pour rebondir donc sur l'optique qu'éclairait Chappie, c'est vrai que on ne sait, enfin dans le film, on ne sait absolument rien. On ne sait rien du tout. On arrive donc on s'identifie vachement aux personnages parce que justement, on leur demande d'aller inspecter une planète dont ils ne savent rien et eux-mêmes découvrent les événements en ne sachant rien du tout, quoi. Le seul qui sait à peu près ce qui se passe, enfin, qui en sait plus que les autres, c'est Ash, donc le robot. Ouais, l'android, voilà, je cherchais le mot, merci, mail. C'est Ash qui, lui, donc, est programmé et fait partie de la Weyland Yutani. Mais à part lui, personne ne sait ce qui se passe, et on est toujours, justement, dans un stress permanent, parce qu'on voit les personnes disparaître une par une, et ce que je trouve pas mal dans ce film, c'est que même dans les scènes où tu sais qu'il y a un mec qui va dégager, genre par exemple la scène de Dallas où il est dans les conduits et il est censé rechercher le xénomorphe, tu sais qu'à partir du moment où Dallas il va partir dans les conduits, c'est mort pour lui, quoi. Enfin, voilà, tout le monde le sait, et pourtant il y a une mise en place qui est quand même vachement... Qui est vachement original, quoi, qui te tient en haleine et qui arrive même au dénouement, qui arrive à te dire oh putain, je m'y attendais quand même pas. Et le truc qui est aussi intéressant pour ceux, alors je vous recommande aussi de regarder les versions de luxe, parce que les versions de luxe, il y a des scènes coupées, et parfois bon, c'est des scènes qui sont assez anodines, et parfois ce sont des scènes qui ont quand même une signification qui est assez intéressante. Et là, dans le cas de Dallas, qui est donc le capitaine du Nostromo, quand tu le vois mourir dans la version normale de Alien, enfin quand tu le vois choper par l'alien, tu te dis bon, il est mort, c'est terminé. Et c'est vrai que dans le film normal, on ne refait plus jamais référence à lui. Alors que dans la version deluxe, tu le vois, Sigourney, elle le voit à un moment, il est collé au mur dans du mucus d'alien, et en fait il est pas mort parce qu'il sert Bah, il sert de fécondateur, d'incubateur. Voilà, je trouve plus mes mots, c'est terrible. C'est l'incubateur. Et voilà. Et là, du coup, t'en apprends quand même un peu plus sur le xénomorphe. Mais voilà, c'est pas une bête qui cherche juste à tuer tout le monde. C'est avant tout une espèce qui cherche à se reproduire et qui est obligée de faire certaines actions. Et tu les comprends. Enfin, voilà, on les comprend petit à petit au fur et à mesure qu'on regarde les différents films. Mais c'est vrai que même si tu comprends pas grand chose dans le premier, juste le fait de voir Dallas qui n'est pas mort, tu dis attends, c'est bizarre, le mec il tue absolument tout le monde et il en garde un vivant, c'est étrange. Donc on a perdu quelqu'un ? Non, c'est bon, d'accord. Ah ok, autant pour moi. Donc voilà, ouais, on n'en apprend pas grand chose, mais il y a quand même des éléments qui vont mettre en place la mythologie d'Alien et qui vont permettre de d'épaissir un peu le lore d'Alien dans les films suivants. Donc c'est pour ça que voilà, moi de toute façon c'est vrai que je dis c'est un film culte pour moi absolument, enfin je regarde tous les ans hein, quasiment, et ce que j'aime aussi dans ce film c'est la place de Ellen Ripley quoi. C'est vraiment, et ça je pense aussi que c'était rare à l'époque hein, que t'aies une femme aussi badass quoi. Enfin je veux dire Ripley déjà. En fait, ouais. C'est ce que je me posais comme question en fait, parce qu'en fait dans 79 le fait d'avoir une héroïne dans un film plutôt orienté adrénaline, quoi, on va dire ça comme ça. C'était plutôt les Rambo, tu vois, les choses comme ça, où l'homme était musclé, prépondérant. Ah, ouais, c'était même pré-Rambo, hein, mon gars. Hein, c'est... Ouais, c'était ce que j'ai dit. C'était plutôt l'époque de Rocky, vraiment... d'ailleurs, voilà. L'époque de Rocky. C'est ça, ouais. Où c'était quand même la place à l'action et à l'adrénaline, c'était plutôt un truc de d'homme. Ouais. Alien, quand même, enfin, l'héroïne, c'est une femme, en fait. Et le... quand tu la vois évoluer, en fait, parce qu'au début du film, elle est pas tellement prise en considération, si tu veux, elle est pas écoutée. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle est pas écoutée, mais au fur et à mesure du film, tu te rends compte que c'est elle qui prend les bonnes décisions, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, elle s'affirme de plus en plus, et c'est ça qui. Et bon, voilà, après chacun ses goûts, mais moi je vous dis, Ellen Ripley, quand tu la vois en petite culotte en train de se changer dans la dernière scène, moi je trouve que c'est une femme sexy, tu vois. Et c'est une femme badass, et en plus c'est une femme sexy, quoi. Donc du coup, je trouve que cette image, elle est vraiment hyper à la fois novatrice et hyper hyper porteuse pour d'autres films qui auraient pu être faits, parce que faut se dire aussi qu'à cette époque on faisait pas des films, enfin c'est pas le Marvel Universe où t'as 4 films par an hein. C'est les suites, on n'y pense pas automatiquement à cette époque, et ouais. De toute façon quand on parlera des autres films on voit qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées entre chaque épisode, et du coup ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il y a une moyenne de 5-7 ans, entre 5 et 7 années par film, voilà. Donc c'est vrai que en tant que même, enfin, le film se pose là en tant que lui-même, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que tu n'attends rien d'une éventuelle suite. Le film se finit et il peut se suffire à lui-même. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est d'ailleurs très bien dans tous les films Alien, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ok. Voilà. le temps file. Le temps file parce que, en fait, nous venons de passer la douzaine de minutes. Très donc bien. On va pouvoir parler du deuxième. Alors le deuxième en fait, qui, alors j'ai noté quelque chose de très rigolo. Le premier s'appelle en anglais Alien, c'est tout en fait, il n'y a pas d'autre titre. Et le deuxième s'appelle Alien avec un S. Donc j'ai trouvé ça assez original, parce que là en gros on annonce la couleur. L'Alien il est plus tout seul, il est avec des potes quoi. Et voilà. C'est un peu la surprise partout. Ouais. Et c'est ça qui est très bien, c'est que dès l'écran titre, où tu as les barres qui apparaissent pour... dans chaque film, c'est des barres qui apparaissent pour présenter le titre du film. Et dès les premières secondes du film, justement, tu comprends qu'il y a plusieurs aliens et que ça va être la foire. C'est ça. Et c'est ça qui est fort. Donc voilà, donc Alien 2, en France, hein, qui s'appelle Alien le Retour, donc qui a été 1986, donc qui arrive donc 7 ans après le premier épisode, avec un nouveau réalisateur. On passe de Ridley Scott à James Cameron. Donc James Cameron, quand même, le réalisateur plutôt orienté film d'action. À l'époque. Légèrement, ouais. Voilà. Donc, pour le pitch, mais ça, Vincent va vous en parler derrière. Donc, on est toujours avec Ellen Ripley, qui est maintenant à la tête d'un commando de marines coloniaux et qui doit se rendre sur une colonie spatiale qui est suspectée d'avoir potentiellement un alien, qu'elle aurait la même type d'alien qu'elle a rencontré dans le premier épisode. Donc là, Alien 2 a, pour le coup, eu plus de succès que le premier. En termes de recettes américaines, cette fois, on est passé à 85 millions de dollars. Il faut dire aussi que les gens avaient connu et entendu parler et attendaient finalement une suite de ce film-là. Le film est nommé pour 7 Oscars, il compare celui du meilleur montage son, c'est-à-dire des meilleurs effets visuels, et apparaît très souvent dans les listes des meilleurs films de science-fiction horrifique. Voilà, donc c'est une vraie consécration pour la série en elle-même, mais aussi pour James Cameron, qui clairement donne un côté beaucoup plus action-horreur que n'avait le premier, en fait. Ah, c'est donc même... là, pareil, petit tour de table, un petit peu pour avoir votre avis. Moi, personnellement, à titre perso, c'est celui que j'ai préféré. Ah, ça m'étonne pas. C'est un... bon, vas-y, parle un peu, May, je t'en prie. C'est vrai que je peux monologuer alors. Non, mais moi ça me va. Hein. Moi, je réagis après. Mais enfin, ouais, c'est vrai que c'est plein de blom blom popo. Si je me trompe pas, James Cameron avait fait juste avant Terminator 2. Je vais pas dire de conneries. Oui, ça doit être ça. Ouais, donc du coup, bah, c'est normal, on retrouve un peu l'esthétique du gros bourrin, ouais. qui va tirer dans le tas et qui réfléchit en fait, pas, quoi. En fait, il avait fait James Cameron juste avant, un an avant Rambo 2, et juste un an encore avant, il avait fait Terminator. Ouais, qui fera Total Recall. Dans le tempo, quoi. Voilà. Bon, ce qui est hyper intéressant dans ce... Ouais, attends, je vais refaire le pitch vite fait, un peu plus prononcé du film. Oui, bien sûr. Donc, à la fin de Alien, il y a Ripley qui se fait cryogéniser dans sa petite capsule là, qui est à la dérive dans l'hyperespace. Et on la retrouve 57 ans après. C'est donc la compagnie Weyland-Yutani. Alors, c'est vrai que la compagnie Weyland-Yutani, là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'elle a un impact énorme dans ce film. Donc, il retrouve Ellen Ripley dans son vaisseau. Ellen Ripley, elle se réveille. Elle ne sait pas à quelle date on est. Et, chose intéressante aussi, dans la version uncut, on parle un peu plus de sa fille. On la voit d'ailleurs en photo, je crois, sa fille. Elle est très vieille. Donc, sa fille est morte pendant qu'elle était en cryostase. Et donc, du coup, elle se retrouve absolument toute seule dans une époque qu'elle ne connaît pas. Bon, même si 57 ans, c'est pas non plus un changement civilisationnel, mais voilà, elle est dans une époque qu'elle ne maîtrise pas. Et donc, on lui apprend, enfin, elle fait un briefing de ce qu'elle a vécu sur son vaisseau face à des pontes de la Weyland-Yutani. Et c'est là que tu te rends compte que la Weyland-Yutani, en fait, elle est au courant de ce qui se passe parce qu'elle l'apprend. Pour une folle, grosso modo, hein. Elle raconte de la merde. Ils veulent pas croire ce qu'elle raconte, alors qu'ils le savent très bien, puisque c'est eux qui ont envoyé sa mission de reconnaissance du Nostromo sur LV-426. Donc voilà, le Ripley va pouvoir reprendre un travail, personne ne la croit, elle est la seule à savoir ce qui se passe. Et elle apprend par Burke, qui est donc son contact de la Weyland-Yutani sur le vaisseau où elle est, que une colonie qui s'appelle donc Adlis Hope a été mise en place sur LV-426, donc la planète où il y avait le vaisseau alien qui était tombé. Et cette colonie, bien bizarrement, on n'a plus de nouvelles. Ah bah c'est chelou quand même. C'est chelou. Alors vous voyez dans la version uncut qu'on voit quelques minutes de la vie dans la colonie avec un petit enfant qui roule avec son tricycle, tout ça. Et puis ils se rendent compte qu'il y a des soucis, on n'entend plus parler d'un secteur ou un truc comme ça, je me rappelle plus bien. Enfin bref, ils commencent à comprendre qu'il y a un problème. Et en plus, il y a un marais qui se fait avoir par un facehugger et qui est ramené à la colonie. Donc voilà, il y a un problème, eux ne savent pas, enfin la Weyland ou Yutani ne savent pas. Et... ils ne savent pas, mais ils savent, parce que qu'est-ce qu'ils font pour être sûrs? Ils pourraient envoyer une équipe de chercheurs, une équipe de secouristes, tout simplement. Mais non, ils envoient une équipe de Marines qui est armée jusqu'aux dents, et ils veulent envoyer Ellen Ripley sur LV-426 avec ses Marines pour être conseillère. Donc déjà, tu te dis, mais c'est... Enfin, en quoi elle va pouvoir les conseiller, quoi? Ils n'ont pas cru ce qu'elle disait, donc ça n'a aucun intérêt. Mais bref, sous couvert de menaces, Ellen Ripley va accepter, et donc elle se retrouve avec une bande. Alors les Marines, moi franchement, c'est une des parties que j'adore, surtout Apone, le leader de la colonie des Marines. Enfin, ils sont tous hyper forts. X, il est vraiment excellent aussi. Hudson, qui est joué par Bill Paxton, il est vraiment énorme. Velasquez, l'hispanique testostéronée, elle est vraiment trop trop trop trop rigolote. Enfin bref, voilà, on a une espèce de commando de marine, mais exactement à l'image des films de James Cameron des années 80-90, hein, hyper stéréotypé. Et donc ils vont faire, ils vont aller sur LV-426 pour vérifier quel est l'état de la colonie, tout en sachant très bien, en dernier plan, que la Wayland Yutani sait qu'il y a des aliens, des xénomorphes à récupérer. Donc voilà, c'est ça le plot un peu plus explicité. Mais donc voilà, ouais, un film hyper d'action, et du coup je te laisse un peu discourir, May, sur ton ressorti sur le film. Parce que en fait, pour la petite histoire, May s'est tapé les 4 films en une semaine et semaine. Donc ça reste quelque chose de très frais pour elle. Quoi. Ah, c'est du sérieux, ouais, pour May, c'est du sérieux. Donc le 4, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Du coup, enfin moi, c'est pas, il est bien celui-là, mais c'est pas celui que je retiens le plus, dans le sens où en fait, c'est trop. Trop d'action au bout d'un moment. Enfin, c'est marrant, hein, c'est sympa et tout, mais ça va trop vite en fait. J'ai bien aimé la lenteur du premier, que ça se mette en place, que tu aies le temps de découvrir un peu la psychologie des personnages ou quoi. Là, ça va tellement vite que t'as pas, à part le personnage de Newt, l'interaction qu'il y a entre Newt et Ripley, t'as pas le temps de t'attacher vraiment au personnage, quoi. À savoir que Newt, c'est une petite fille, la seule rescapée de la colonie, qui a réussi à survivre pendant tout ce temps toute seule par ses propres moyens, en se cachant dans les réseaux, surtout en utilisant beaucoup le réseau de ventilation, chaque fois qu'elle sentait les autres arriver. C'est vrai que moi, la version que j'ai vue, on n'entend pas du tout parler de la fille de Ripley. Et avec l'arrivée de Newt, c'est là que tu la vois développer un instinct maternel un peu, parce qu'elle fait tout, pour la protéger, quoi. Oui, c'est ça qui est dommage, du coup, dans la version, la version qui est pas une cut, la normale du cinéma, c'est que voilà, tu comprends pas pourquoi Hélène développe un instinct maternel envers Rebecca, alors que voilà, quand tu sais qu'elle a perdu sa fille, du coup, ça a une résonance particulière. Alors moi, je suis très surpris. Étant donné que vous me parlez d'action, vous me parlez des marines, vous me parlez des relations avec Newt, mais vous ne me parlez pas de la chose la plus importante du film. L'alien, à chaque fois. La queen. Oui, non, mais j'allais y venir au lore. T'as l'introduction de la reine, parce qu'à la base, dans le film, c'est juste... tu vois que l'œuf, en fait, et c'est là que tu vois d'où ça vient, en fait. Enfin, plus ou moins d'où ça vient. Et c'est vrai que moi, elle est un peu... c'est comme une reine d'insectes, quoi. En gros, elle est dans son coin, elle est grosse, bouffie, elle pond ses œufs, puis elle a ses petits soldats aliens qui la défendent, quoi, en fait. Le 2, c'est là où il y a le plus de lore qui est expliqué, d'après moi. Ouais. C'est vraiment là où on comprend de A à Z comment se passe une colonisation de xénomorphes. On comprend bien, du coup, qu'il y a le stade ponte, Facehugger, Chestbuster, et puis après Alien normal. Le seul truc qu'on comprend pas encore, c'est d'où vient la reine. Comment est-ce qu'un alien normal devient reine, ou est-ce qu'il y a un embryon qui est déjà une reine? Et ça, il y aura que dans le 3 où on comprendra. Mais voilà, à part ça, tout est expliqué. Et du coup, c'est vrai que on fait le focus directement sur le film d'action, parce que c'est le caractère, enfin c'est le trait principal du film. Mais au niveau du lore, c'est le film le plus poussé. Et c'est pareil, comme je disais, avec la Wayland Yutani, c'est là où t'as vraiment le lore le plus poussé. C'est là où tu comprends comme je l'ai expliqué, c'est là où tu comprends les intérêts financiers et d'armement de la Wayland Yutani. Et c'est là aussi où tu comprends le rôle de Burke, parce que Burke, donc le conseiller de la Wayland Yutani, qui vient lui aussi dans la mission de sauvetage, parce que justement il veut pas l'appeler une mission de sauvetage, mais de reconnaissance de Hadley's Hope. Et bien c'est là que tu comprends que il veut garder des spécimens vivants, il veut garder des facehuggers. Par exemple, quand Sigourney elle est enfermée avec Newt et qu'il y a un facehugger qui est dans la salle, je sais pas si vous vous rappelez, mais il éteint les écrans pour pas que les marines voient qu'elle est en train d'appeler à l'aide. Et parce qu'il sait justement que lui, il doit ramener des spécimens pour éventuellement les transformer en armes biologiques, quoi. Et il y a plein de sous-textes comme ça, enfin de sous-textes, c'est assez évident pour quand tu regardes le film. Mais voilà, c'est là où tu comprends vraiment les motivations de la Wayland Yutani, et tu sais qu'eux ont compris avant tout le monde ce qu'il était capable de faire avec le xénomorphe. C'est comme quand ils se rendent compte, il y a un moment où ils sont tous les deux, Burke et Ripley, parce que c'est là qu'ils se rendent compte que, que bah ils ont envoyé un peu la colonie à la mort. Ils en étaient très bien conscients. Et, ah oui, ils le savaient, mais oui. Genre un peu, non, mais enfin, on n'avait pas eu de problème. Non, on savait pas qu'il y avait quelque chose. C'était un mauvais coup, ça. Ils ont mal joué, hein, comme ça. Tu sens que c'est là qu'elle se rend compte en fait que Burke était tout aussi impliqué, parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'il a réussi à convaincre Ripley de le rejoindre avec les Marines. Parce qu'il lui a, en gros, il lui a un peu promis, il fait promettre que à partir du moment où ils allaient trouver des xénomorphes, ils allaient les exterminer jusqu'au dernier, et c'est pour cette raison uniquement qu'elle a décidé de venir les accompagner. Et en fait, bah non, lui, tout ce qu'il veut, c'est garder au moins un spécimen pour le ramener sur Terre. Et donc, je te rends compte que c'est un gros fils de pute. Et c'est vrai que le personnage de Burke, il est hyper important dans le film, et il est surtout très bien joué. Hein. Moi, je trouve que l'acteur qu'on a retrouvé dans des séries humoristiques après. Il a fait un job, je me souviens plus comment il s'appelle cet acteur, mais en tout cas, il est vraiment. Paul Reiser. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il est vraiment excellent dans le rôle de Burke. C'est vraiment la petite fiotte de base qui retourne sa veste dès qu'il peut. Enfin, il est très très bon. Je le trouve vraiment très très bon. Dans son jeu, tu le vois pas venir en fait. Tu vois, il est tout gentil, tu sens qu'il est de ton côté, mais en fait, pas du tout, quoi. Ah non, il va te mettre une grosse douille, hein. Ça c'est clair net. Donc voilà, en dehors du film d'action qui est évident. Il y a quand même des éléments dans le film, donc je disais le lore qui est vachement développé. On a aussi l'apparition du radar, quand même, qui est un élément, mais c'est génial pour la mise en place du suspense, quoi. Quand tu vois que le radar il s'excite, enfin pendant longtemps il y a rien du tout, et puis là tu vois qu'il commence à s'exciter, mais il y a absolument rien de visible. Enfin c'est génial. Et oui, alors on a oublié un truc absolument essentiel, c'est le travail de H.R. Giger aussi. J'en ai pas parlé dans le premier Alien. Mais c'est encore plus visible dans le deuxième. H.R. Giger, qui a fait donc qui est un artiste contemporain suisse, qui a fait les visuels pour Alien. Là, son travail dans le Alien 2, il est vraiment incroyable. Enfin, c'est magnifique les textures. Quand on voit justement quand le radar s'excite à fond et qu'il ne voit personne devant les Marines. Et que tu vois dans tous les murs, il y a des interstices, enfin il y a des enchevêtrements hyper complexes, et que en fait ce sont des aliens qui sont enchevêtrés. Enfin c'est le travail est magnifique. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Alors, en plus, sur les effets spéciaux, il y a une petite histoire en fait, c'est que Cameron en fait quand il a tourné le film, il a pas voulu en fait dépenser énormément d'argent sur la partie effets spéciaux et autres, et a refusé en fait tout ce qui était imagerie numérique parce qu'à l'époque c'était encore trop aléatoire et pas suffisamment satisfaisant. Et donc, en fait, il a utilisé énormément de perspectives forcées, énormément de maquettes miniatures, des jeux de câbles, du stop motion, etc. Donc, en fait, c'est pas un film qui a coûté excessivement cher par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais le rendu, il est assez impressionnant. Et là, bon, je disais un petit peu, typiquement la scène où la reine, la queen, pond un œuf, apparemment, Cameron disait que ça avait été un vrai enfer à tourner, parce qu'ils avaient fait une espèce de modèle au un quart du nid de la créature, qu'ils avaient des câbles avec des marionnettistes, etc., pour tout animer. Enfin, le truc est assez artisanal, et ils avaient des bouilloires, en fait, pour faire de la fumée, par exemple, un petit peu. Ah ouais. et le rendu est absolument génialissime quand tu le vois au cinéma. Ah, c'est impressionnant. Franchement, avec la fumée et tout, là, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, pour moi, enfin, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Alien 2 est le meilleur de la série. Pour ceux qui aiment un peu moins l'aspect intimiste du premier, mais c'est vrai que c'est un film qui, au même égard que le premier, va rester dans la légende des films de science-fiction d'horreur et même des films tout court. Hein. C'est un classique absolu de par ses personnages. Pour moi, on est vraiment dans un jeu vidéo, quoi, tu vois. Et ça se reflète particulièrement quand à Hudson, tu sais, il y a la fille dans l'hélicoptère qui est censée les rapatrier, qui se fait déglinguer. Ouais. Et du coup, l'hélicoptère s'écrase. Et alors là, eux, ils perdent tout espoir de partir de LV-426. Et là, t'as Hudson qui dit "It's game over, man, it's game over." Et c'est là que tu comprends que voilà, il y a un aspect fun en fait dans le film. C'est un peu un jeu vidéo d'action, quoi. C'est exactement ça. Je pense que c'est volontairement voulu que les Marines ont chacun un trait exacerbé, mais qu'ils n'ont pas une personnalité qui est hyper complexe, tu vois. Et quand c'est assumé comme ça, bah, je trouve que ça marche génial. Ok, et ben je vous propose de passer tout de suite au troisième opus. donc Alien, au titre original, c'était Alien Cube ou Alien 3, hein, c'était la troisième de l'épopée. Changement de réalisateur, on passe avec un David Fincher, et aussi changement d'ambiance complète, étant donné qu'on est plus proche en fait un peu dans l'esprit du premier, vu qu'on est une espèce de huis clos. Le pitch, il est assez simplifié, comme d'hab, je vais vous le dire, et Vinciré vous le détaillera plus. Donc, les rescapés du précédent épisode, hein, donc, sont en fait sauvés, sont dans un vaisseau qui doivent les ramener, je crois, de mémoire sur la Terre. Ils se mettent en espèce de biostase parce que le voyage est long. Et durant le voyage, il y a un des œufs d'alien qui est dans le vaisseau qui se met à éclore et un facehugger, en fait, je crois qu'il crache de l'acide sur un câble, un truc dans le genre. Le vaisseau prend feu, les gens sortent de la stase et du coup le vaisseau part un petit peu en cacahuète et il s'écrase en fait sur une planète qui est une énorme planète pénitentiaire. Donc avec pas mal de détenus, etc. Donc là on change complètement d'ambiance. Personnellement, c'est pas forcément un des films que j'ai le plus aimé et en fait il y avait un côté j'ai trouvé assez un peu cyberpunk qui moi m'a posé un petit peu des problèmes. J'ai pas trouvé ça, j'ai peu accroché en fait sur Ah cet ouais, épisode-là. y a un côté post-apocalyptique qui est évident, ouais. C'est clair. Bon, du coup, voilà, je détaille un peu plus le scénar. À la fin d'Alien 2, donc le seul marine qui est encore vivant, c'est X, et Rebecca, donc Newt, s'enferme avec X et Ripley dans un vaisseau pour se barrer. Et donc, comme tu me l'as dit, alors là, en fait, le film a été un enfer à tourner au niveau du scénar. Ça a été repris plein de fois, et c'est là il y a le premier problème qui se pose. Mais dès le début du film, c'est que tu as un facehugger qui va contaminer Ripley dans le vaisseau, et tu as un facehugger qui va contaminer un autre animal plus tard. Et du coup, tu ne comprends pas parce que tu vois qu'un seul facehugger dans le vaisseau. Donc tu te dis, comment c'est possible? Est-ce qu'il y a un facehugger qui contamine deux personnes ou est-ce qu'il y a deux facehuggers dans le vaisseau? Donc là, déjà, il y a un premier problème. Enfin bref, donc ils s'écrasent en effet sur Fiorina, ou Fury 161, le pénitencier. Là, X meurt, Newt meurt. Et encore une fois, Ellen Ripley se retrouve absolument toute seule, sauf que là c'est encore pire que d'habitude, et c'est là que moi j'aime ce côté apocalyptique où c'est vraiment de pire en pire pour elle. Elle se retrouve donc sur une planète pénitentiaire où une communauté d'hommes qui purgent des peines qui sont à vie sont livrés à eux-mêmes et ont formé une communauté religieuse pour pouvoir vivre voilà, selon des préceptes et puis pour expier un peu leur faute. Il faut savoir qu'il y a un thème religieux qui est hyper évident à travers tout le film et à travers les symboliques du film. Et donc, ce premier point avec la religion, c'est ça, cette communauté qui est presque fanatique, d'hommes qui sont des violeurs, qui sont des tueurs en série. Enfin, c'est vraiment les pires racailles de l'univers. Et donc, Ellen Ripley arrive dans ce pénitencier, et malheureusement, il y a un animal, donc comme je le disais, avec un défaut de scénar, on ne sait pas où est le deuxième facehugger, mais bref, il y a un animal qui se fait contaminer. Alors là aussi, il y a un truc intéressant, c'est que dans la version normale du film cinéma, c'est un chien qui se fait contaminer, et dans la version uncut, c'est un veau ou Un un bœuf. taureau, un bœuf, voilà. Le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le bœuf? C'est parce qu'en fait, normalement, il y avait un vrai bœuf qui devait jouer dans le film, et ils ont jamais réussi à lui faire faire ce qu'ils voulaient au bœuf. Voilà, enfin, faire faire un bœuf, enfin, faire faire des actions à un bœuf, c'est un peu compliqué, je pense. Donc, bref, ils se sont rabattus sur un chien pour la version cinéma. Et donc, voilà, ils se retrouvent dans un pénitencier où, évidemment, il n'y a pas d'armes parce que on donne pas des armes à des fous furieux, et ils se retrouvent avec un alien sur le dos qui, cette fois-ci, donc, c'est là aussi où il y a un nouveau mythos de l'alien, c'est-à-dire que l'alien adapte ses features par rapport à l'hôte qu'il a contaminé. Et donc là, comme il a contaminé un animal à quatre pattes, eh bien ça devient un alien à quatre pattes. Donc voilà, ça va être le but. Déjà, il y a une double survie, la survie de Ellen Ripley dans une communauté de fanatiques violeurs, qui sont tous des hommes. Et la survie du groupe tout entier face à un xénomorphe qui, bien sûr, a encore très faim. Donc voilà. Et alors oui, et puis il y a le sous-texte encore de la Weyland Yutani où on va enfin comprendre ce qui se passe à la fin du film. On va comprendre quelle est toute l'implication de la Weyland Yutani. Et ça, c'est dû au fait que normalement Alien 3 devait être le dernier film de la saga Alien. Mais on en parlera plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, ouais, toi, parce que bah celui-là, bah il a des bons côtés, mais il y en a d'autres. Tu dis, enfin, je sais pas, il laisse un goût bizarre. Oui. Il y a des bonnes choses, tu vois, qui sont développées, et il y en a d'autres où c'est pas abouti, tu vois. C'est. Mais c'est un miracle. Alors... que ce film il tienne debout, hein, quand même. Parce que bon, c'est ressenti sur les scores de vente, hein, parce qu'aux États-Unis, il n'a fait plus que 55 millions. Donc, il a quasiment fait la moitié moins, enfin presque la moitié moins, un petit peu plus quand même, de ce qu'avait fait le deuxième opus quand même. Hein. Donc, voilà, c'est pas que vous qui l'avez mal, forcément mal ressenti. Quoi. Non, mais il y a quand même des bonnes choses. Hein. Du coup, là, bah, du fait qu'elle soit la seule femme entourée de d'une vingtaine, d'une trentaine d'hommes, elle repasse un peu au statut de proie. Elle a été dans le premier, dans le deuxième, c'est un peu comme si elle reprenait sa revanche, tu vois, parce qu'elle s'est vraiment acharnée dessus. Et là, dans le troisième, c'est pas non plus, elle doit pas non, comment, elle doit pas survivre qu'aux xénomorphes, elle doit aussi survivre aux hommes. Là, c'est. Ouais, c'est vrai. Du coup, elle repasse sur ce plan-là, mais elle reprend quand même une nouvelle fois le dessus, quoi, parce que ça reste Ripley, c'est la plus badass. Des meufs selon moi, donc mais c'est vrai que c'est la faire repasser sur ce plan là je sais pas si c'était nécessaire ou pas, mais il y a quand même des bonnes scènes dans ce film qui sont marquantes, enfin notamment la scène où bah il y a l'alien qui a atterri dans l'infirmerie qui s'approche vraiment très très proche de son visage, limite il aurait pu la lécher, enfin, c'est comme si c'est ce qu'il avait fait pratiquement, parce qu'il a deux bouches. Et cette scène elle est assez impressionnante visuellement, et au final c'est là on se pose aussi la question pourquoi, parce qu'il l'approche mais en même temps il lui fait rien, alors qu'il aurait pu s'attaquer à elle comme il s'est attaqué à tous les autres. Ouais, alors qu'on est d'accord que dans 99% des temps, elle se serait fait défoncer la gueule et ouais. Ça aurait été normal. Voilà. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les deux premiers films. Donc là, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé. Exactement. Ouais, ouais. Encore une fois, tu te poses des questions. Mais ouais, alors du coup, c'est vrai que ce film, il a eu tellement de problèmes de production. Enfin, je peux même pas tout expliquer tellement ouais. Ça a été repris le scénario qui a été changé. Enfin, ça a été un bordel absolument incroyable. Et c'est pour ça se voit. Parce qu'en fait, on peut spoiler la fin, parce que finalement, il y a prescription, parce que le film a plus de 25 ans. Enfin, à la fin, Ellen Ripley meurt, en fait, hein, techniquement. Oui. Oui. Elle se jette. Elle se suicide, en fait, voilà. Et la fin, en fait, au moment où elle tombe. Il y a l'alien qui sort de son bide et plouf dans la lave. Voilà, et c'est là où on comprend aussi que elle avait une alien queen, enfin une reine alien dans la. Une reine alien, et c'est pour ça qu'au final, elle s'est pas fait gober par l'alien, puisque justement, il devait la protéger, quoi qu'il en coûte. Et justement, ça aussi, ce système de protection, la Weyland l'avait déjà anticipé, parce que comme le pénitencier était relié du coup à la Weyland, parce qu'il dépendait de cette compagnie aussi. Dès qu'ils l'ont réceptionné, ils ont envoyé un message pour demander à ce qu'elle soit à ce qu'elle soit rapatriée, et ils étaient en attente justement d'un vaisseau dit de sauvetage. Et le message qu'ils ont reçu en retour, c'était traitez-la, traitez-la comme une reine. Donc t'as déjà ce sous-entendu là en fait quand ils te disent ça, c'est parce qu'ils savent en fait qu'il y a quelque chose en elle, parce que justement ça a dû être répertorié par l'ordinateur de bord, ce que t'apprends, parce que quand elle cherche à récupérer Bishop, l'androïde dont on n'a pas parlé, Bishop, l'androïde du 2, qui du coup bah comme c'est un androïde, il est connecté aux bases de données de leur vaisseau par lequel ils se sont échappés, et justement il lui dit que l'ordinateur enregistre tout, et tout est envoyé à la Weyland, et la Weyland est déjà au courant de tout depuis le début. Donc à mon avis, ils ont dû les systèmes de leur capsule a dû déjà leur montrer enregistré sur ordinateur, oui. Ça, donc, mais c'est pour ça aussi que c'est pour ça que c'est Bishop. Alors faut dire que bon Peter Weyland, celui qui a créé la Weyland et qui après a fusionné avec Yutani, c'est vraiment c'est la tête de Bishop en fait. Bishop, il est fait. Oui. Il est fait d'après d'après le visage, enfin d'après la morphologie de Peter Weyland. Donc du coup, à la fin, c'est vrai que l'androïde qui se présente, et nous on ne sait pas que c'est un androïde, mais il se présente comme l'original de Peter Weyland, qui est venu en personne justement pour parler avec Ripley. Mais du coup, on se rend compte que c'est encore un androïde, et pour évidemment récupérer l'alien. Mais je voulais juste faire une petite digression pour revenir, parce que t'étais pas sûr que c'était une bonne idée de faire d'Hélène Ripley encore une meuf badass après tout ce qu'elle a vécu. Non, la faire repasser en tant que proie après tout ce qu'elle a vécu, tu vois. Parce que moi, je me rappelle quand le film est sorti en 92. Franchement, quand Sigourney Weaver est apparue dans les galas ou les trucs comme ça, avec son crâne rasé, mon gars. Ouais. Mais ça a été. Les gens ont scotché, quoi. Vraiment, les médias en ont parlé. Hein. Ça a été, c'était incroyable qu'une femme se rase la tête. Et enfin, c'était un acte hyper fort quand même, hein, pour quelqu'un. Enfin, Sigourney Weaver, c'est une femme féminine. Hein, et du coup, l'avoir rasé comme ça, c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, c'était avant la sortie du film. Et du coup, c'est vrai que c'était hyper impressionnant. Et voilà, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Oui. Mais pour revenir sur la thématique de la proie, en fait, moi j'ai une théorie perso, et je pense que c'est la bonne sur le rôle de Ripley dans Alien 3. Comme je disais, il y a beaucoup de références à la religion, et moi je pense que Ripley c'est l'ange rédempteur des mecs qui sont dans le pénitencier. C'est elle qui va les expier de leurs péchés en fait. Les mecs, ils sont, et ils en parlent d'ailleurs, hein, il y en a certains, des fanatiques, qui croient que c'est le jugement divin sous la forme du xénomorphe, qui vient pour les exécuter à cause de leurs péchés. Et moi, je pense que justement, le fait que Ripley cherche en même temps à se sauver elle et à sauver ces mecs qui, pour n'importe qui, seraient bons à envoyer à la guillotine, c'est justement, enfin, c'est vraiment l'allégorie typique d'un ange, quoi, tu vois, c'est vraiment la femme qui vient sauver l'homme de ses péchés, quoi. Et bon, il y a beaucoup de sous-textes comme ça dans le film, mais je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Et on le voit aussi parce que Hélène Ripley là aussi, c'est la première fois qu'elle a un contact avec un homme, hein, avec le docteur Clements. Ouais. Dans toute la série, il y a jamais eu Hélène Ripley n'a jamais eu d'innuendo avec un personnage masculin. Il y a jamais avec eu... X, tu te doutes un petit peu qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais bon. Ah ouais, tu trouves? Alors ouais. Si. Ah, moi j'ai jamais. Ah si ouais, tu regardes, il y a plein de petits. S'il y a un moment, il lui apprend à tirer avec son flingue. Oui, bah oui, mais. Truc. Non, si ça sent que ça aurait pu, mais bon, ils l'ont tué. C'est pas grave, ouais. Ils lui ont donné Clemens. Il est tout aussi bien. Oui, alors voilà, Charles Dance d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour beaucoup de gens, c'est le Lannister de Game of Thrones et ça devient une figure. Enfin, tu vois, tu peux plus l'enlever de ce rôle, mais pour moi, depuis que je suis jeune, ça a toujours été le Dr. Clemens. Et quand Game of Thrones est apparu et qu'il était dedans, je me suis dit, oh, putain, c'est le Dr. Clemens, quoi. c'est rigolo. Mais voilà, et elle aussi, c'est elle qui va sauver le Dr. Clemens, parce qu'on apprend aussi que lui, il a merdé complètement et qu'il se retrouve là entre aide médicale et prisonnier, parce qu'il voilà, il a pas été envoyé là par hasard. Mais justement, en faisant l'amour avec lui et en ayant un contact humain, parce qu'en fait, le docteur Clemens, c'est quasiment le personnage le plus humain dans tout le groupe du pénitencier. Mmh. Et justement, avoir ce contact avec elle et se donner charnellement à lui, ça lui offre aussi la rédemption quelque part, je pense. Ok, le temps file, mes amis. Oui. On a quasiment fait 50 minutes, hein. C'était pas mal. Oh. Et ouais. Il nous reste à parler, pour moi, hein, les trois meilleurs épisodes, c'est-à-dire Alien 4, Prometheus et Covenant. Bah, s'il y a déjà 50 minutes, franchement, on va peut-être zapper les deux derniers. On en reparlera plus tard parce que je pense. Hein. Il y a vraiment trois. On va s'attarder ouais. Sur Alien Resurrection, donc le quatrième opus de la série. On est en 1997. Et on donne la réale à un petit français, à Jean-Pierre Jeunet, en lui disant bah vas-y, fais-nous rêver. Donc le pitch est assez simple quelque part. On est 200 ans après le suicide de Ripley et des scientifiques finalement arrivent à recréer le clone de Ripley avec son ADN, sachant que en bonus maxi deluxe, il mixe son ADN avec celui de la reine alien. Donc, le clone de Ripley donc grandit, apprend, devient complètement overkill parce qu'elle est bien plus rapide qu'un humain. Elle met des patates de forain. Enfin bon, voilà, c'est l'espèce de surhomme, enfin, surfemme quoi. Et donc, le scénario va un petit peu se décanter quand, alors je me rappelle de mémoire, il y a une espèce de pirate de l'espace qui arrive. Oui. Et qui trimballe des corps en stase, c'est ça, hein. Oui. Et ces corps apparemment sont infectés d'aliens. Alors non, ils sont pas infectés, mais ils sont, ce sont des réceptacles. Des cobayes, quoi. Des réceptacles. Des réceptacles. Oui. Et en fait, le but, c'est de faire éclore des aliens pour les domestiquer, pour faire le ménage. Exactement. Bah, c'était, voilà, donc, oui, c'est très bien résumé. Voilà, le film, lui, est encore un cran en dessous d'Alien, enfin, le troisième, vu qu'il est plus qu'à 47 millions. Aux États-Unis, donc le film a moins plu, on va dire ça comme ça. Moi, de ce côté perso, voilà, j'aurais préféré arrêter au 3, personnellement. Moi, j'ai absolument pas aimé ce film. J'ai trouvé que la partie génétique, alien, etc., ça avait vraiment ni queue ni tête. Et de voir une Ripley complètement sur-over-vitaminée et capable de défoncer tout le monde, ça enlevait tout le côté un petit peu... horreur et suspense que pouvait avoir, par exemple, le premier. Ah oui, on est d'accord. Il y a ah beaucoup là, c'est de... tombé un peu dans la caricature, quoi. Voilà, c'est le film de trop. On le savait, c'est là où ils ont compris. C'est là où ils voulaient vraiment faire une saga. Parce que je pense que la trilogie, il y avait à l'époque, il y avait déjà beaucoup de trilogies de films. Mais le quatrième, c'est là où à mon avis, ils voulaient vraiment faire devenir ça une saga. Et je pense qu'il y avait d'autres films qui étaient prévus derrière. Mais c'est en effet le résultat l'a montré. Alors moi j'aime quand même ce film, hein. C'est-à-dire que moi il y a des quatre aliens, il y a pas de film que j'aime pas. Il y a des films qu'on aime moins, celui-là c'est sans doute c'est même pas celui que j'aime le moins peut-être, le 3 enfin le 3 et le 4, j'ai le même ressenti à peu près sur ces films. Mais en tout cas déjà donc quoi, tu disais qu'il a été tourné par Jean-Pierre Jeunet. Comment est-ce qu'il a été choisi déjà Jean-Pierre Jeunet? C'est parce que il avait fait La Cité des Enfants Perdus et du coup il a tapé dans l'œil des réalisateurs américains, enfin des producteurs américains, et ils lui ont donc proposé un scénario pour tourner un quatrième Alien. Le problème c'est que il sentait déjà que ça sentait un peu le caca. C'est un peu la merde, quoi. Voilà, ouais. Et il aimait pas du tout le scénario que lui ont proposé l'équipe de production de ce Alien 4. Et donc, du coup, avec Sigourney Weaver, ils ont complètement réécrit le scénario du film. Donc voilà, là, comme le 3, on voit qu'il y a toujours des problèmes pour tourner le film. Et là, c'est vrai que, encore une fois, ça partait mal pour ce Alien Résurrection. Et de toute façon, voilà, on sent, comme tu le disais, il y a tout ce qui est l'aspect génétique... Ripley n'a plus rien à voir avec la Ripley qu'on a connue durant trois films. C'est vraiment une personne totalement différente. Ouais, vraiment différente. Mais je trouve que le film a quand même ses mérites. D'abord dans le traitement des gros plans qui sont propres à Jeunet. Moi, je trouve l'esthétique de Jeunet hyper appréciable. Et je trouve que même s'il est pas content du film lui-même, il l'a déjà dit en interview. Moi, je suis content de ce qu'il a réussi à en faire. Alors, c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus coloré que les Aliens précédents, mais je trouve qu'il a réussi à mettre sa patte sur le film sans dénaturer le lore de Alien. Alors, c'est sûr, c'est moins sombre, c'est moins c'est moins intestinal, quoi. Tu vois, ça te prend moins aux tripes, mais je trouve que le rendu est quand même plutôt sympa par rapport aux contraintes qu'il y avait dans la création de ce film. Enfin, je trouve, en tout cas. Ouais, ben c'est vrai que je trouve qu'il perd un peu la touche, le côté oppressant, la touche un peu horreur, quoi. C'est vraiment... Oui, il n'y a plus beaucoup d'horreur, là. Hein. Là, c'est différent. C'est un autre genre, en fait. Moi, je me rappelle quasiment plus trop du film, et il n'y a qu'un truc qui m'avait complètement choqué, c'est à la fin, l'alien qui verse sa larme, quoi. Oui, alors... oui, parce que non, mais ça c'est en fait parce que on a une reine au final, enfin parce que bon, Ripley en avait une, donc ils l'ont sortie pour qu'elle se développe et qu'elle pompe des œufs, et au final ce qu'on apprend après quand les autres aliens s'échappent. D'ailleurs, c'est très intelligent comment ils s'échappent parce que au final ils sont trois dans une pièce. Et y en a un qui décide, en fait, qui fait comprendre aux deux autres que bah sacrifiez-moi, parce que c'est, en fait, leur acide, il est contenu uniquement dans leur sang. Donc du coup, ils sont à deux à se jeter sur leur frère, on va dire, puisqu'ils sont tous issus de la même mère, hein, à le massacrer pour qu'il saigne et qu'au final ils puissent s'échapper de leur cage, parce qu'ils avaient réussi à les contenir. À les contenir quand même plutôt bien, parce que leur vitre, ils n'arrivaient pas à la percer. Donc là, tu vois en fait qu'ils sont quand même pas mal évolués et qu'ils réfléchissent énormément, quoi. Et du coup, ils embarquent un des scientifiques qui, après, tu le retrouves à la fin en cocon, et qui explique à Ripley un peu en fait le fonctionnement de cette reine-là. Et que bah qu'ils sont aperçus que bah au début elle a eu un cycle normal où elle pondait des œufs, tout ça, et qu'au final bah elle s'est mise à le fait qu'elle ait été couplée, qu'elle soit issue de Ripley, ça lui a donné un organe reproducteur, et au final bah c'est devenu un mammifère comme les autres, quoi. Elle a donné naissance à un alien, bah mi-xénomorphe, mi-humain. Si tu vois, quand tu le vois qui sort, enfin même je le trouve tellement moche celui-là. S'il a des traits, il a des traits humains, quoi. Tu vois la fosse nasale, les yeux, le truc, c'est pas, je l'aime pas du tout celui-là. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment très répugnant, justement. Ouais. Ouais, c'est même la ouais, c'est ça, la couleur. On dirait qu'il a pas sa cuirasse, en fait, qu'il est. Ouais, mais justement, je trouve c'est vachement quoi, réussi. Ouais. Ouais, après, ouais, tu vois comme quoi c'est. Ouais. Bah c'est le fascisme. En fait, quand t'es habitué, tu vois, après tellement de films, à avoir quelque chose de magnifiquement beau, hein, parce que moi je le trouve quand même assez stylé, l'alien de base, et que tu passes à un truc un peu hybride, chelou, bah ça c'est un peu, je sais pas moi, ça m'a dérouté. Mais alors, justement, en quelque sorte. Mais moi je pense que c'était fait exprès, justement, parce que ça fait reflet à la, comment dire, tu vois, t'as une scène où Ripley découvre les clones d'elle-même qui ont foiré. Oui, et... oh là là. Cette scène est assez terrible, d'ailleurs, elle est vraiment très très dérangeante, et je pense que justement ce nouveau xénomorphe fait référence à ça, c'est-à-dire que là on a, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, le film, une de ses forces, et c'est ce qu'on lui reproche, c'est vraiment d'aller trop au bout des choses, et du coup c'est vrai que tout l'aspect clonage, ça peut être pris comme un aspect complètement foiré du film, mais je pense que son aspect over the top, et que c'est vraiment mais répugnant, ça en fait une de ses forces. Moi, c'est un truc que j'aime bien dans le film, même si je suis capable de reconnaître objectivement que ça a été traité un peu par-dessus la jambe. Je trouve que le visuel, justement, réussit à sauver un petit peu l'aspect scénario. Mais il y a d'autres trucs qui sauvent le film, je trouve aussi, qui sont assez intéressants. Il y a d'abord le scientifique principal qui est complètement zinzin, quoi. Lui, je trouve qu'il est extrêmement bien joué. Je suis désolé, mais je me souviens plus du nom du personnage, mais je trouve qu'il a, il a vraiment, enfin c'est quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments d'affection comme une mère, tu vois, envers les xénomorphes, parce que ça fait maintenant longtemps qu'il est en charge du clonage, et que c'est un peu ses bébés. Et justement, d'ailleurs, quand la mère elle met au monde le xénomorphe, il fait « Oh, regardez le bébé !» Enfin, il est vraiment complètement gaga. Il est vraiment zinzin, ce... Le docteur, c'est pas le docteur Vren ? Non, attends, je regarde, c'est le docteur Gediman. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a lui qui est très réussi. Et deuxième personnage que je trouve excessivement réussi, c'est le personnage de Cole, qui est joué par Winona Ryder. Ouais. Donc, comme dans tous les aliens, il faut toujours un androïde. C'est elle qui est l'androïde dans le film. Et on apprend évidemment que, comme on est à 200 ans plus tard, les androïdes ont vachement évolué. Et c'est vrai que Cole, on apprend que assez tard dans le film que c'est un androïde. On a toujours cru que c'était une personne une personne normale. Et ce que je trouve qui est intéressant par rapport à son personnage, c'est que de tous les personnages, donc les scientifiques, les généraux, le clan de mercenaires qui vend les corps des gens pour qui servent d'incubateur, c'est finalement dans le film, c'est elle la personne la plus humaine. C'est-à-dire que c'est elle qui ressent le plus d'émotions et qui est le plus affectée par les choses qui se passent, quoi. Et c'est quand même, ouais. Je trouve l'écriture du personnage étrangement réussie par rapport au reste des personnages qui sont quand même assez fades. Alors, si tu veux, la petite histoire rigolote, c'est que le docteur Jellyman, donc, qui est joué par Brad Dourif, je viens de vérifier, il faut savoir que ce personnage, ce mec, c'est la voix US de tous les Chucky. Ah ouais. Chucky. Ah bah, ah ouais. Ça m'étonne pas. Ouais, bah, ça m'étonne pas, voilà. il est zinzin. Ouais, ouais. Donc voilà, ouais, il y a des trucs qui sont excessivement foirés dans le film, mais je trouve qu'il a quand même ses mérites. C'est sûr que, voilà, quand on te dit Alien, c'est pas le film auquel tu penses tout de suite, hein, ça c'est évident. Non, c'est sûr. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, je pense que les gens le lui chient un peu trop dessus, alors qu'il a quand même, ses mérites. Non, il a ses bons côtés. Mais voilà, c'est un film, il faut regarder sans trop réfléchir. Fin, la fin est un peu... Donc, vu quoi, voilà. Qu'on parle de matière fécale, je vous propose qu'on garde les 5 dernières minutes pour qu'on fasse un peu honneur à Kilvan, parce que ça manque de haine, hein, ce podcast. Il n'y a pas assez de haine. Je suis un peu triste. Donc, je vous propose qu'on parle des deux dernières choses. Allez, on peut vite faire sortir, à savoir Prometheus, Alien Covenant. Et là, je vais demander de lâcher votre puissance négative au maximum, histoire de terminer en beauté. Il y a tellement de choses à dire. Je comprends pas, en fait. Et le pire, c'est que, tu vois, c'est ces deux-là, ils ont été faits par Ridley Scott. Oui, bien sûr. C'est ça, il reprend... Enfin, c'est lui qui va nous expliquer vraiment les origines de tout. Mais je sais pas, c'est... Il non, mais les films, n'ont aucun sens. Si vous voulez être sur le cul, Prometheus est à 126 millions de recettes aux États-Unis. C'est le meilleur Alien vendu. Mais oui, ah, ça c'est normal, parce que moi je le sais, j'ai été un des jeunes connards qui a payé pour aller... Alors je ne vais jamais au cinéma, hein, je le dis, je ne vais jamais au cinéma, les seuls films que je vais voir c'est Alien et Star Wars. Quand j'ai vu le trailer de Prometheus, mon gars, mais c'était de la bombe bébé, comme dirait Thème, c'est-à-dire que tu voyais de l'action, tu voyais du lore, enfin c'était... voilà, quand t'aimes Alien à ce point, c'était... Je bandais, mon gars. Ah ouais, mon non, gars. Mais il a annoncé quelque chose de beau. Voilà, mais, exactement. Mais sauf que quand vie, tu te retrouves. C'est pas le trailer. Voilà, quand tu te retrouves avec. Alors, globalement, le problème de ces films, là, des deux, c'est qu'ils n'ont absolument aucun de fucking sens, d'accord? Quand tu es scientifique, que tu descends sur une planète que tu ne connais pas et que tu enlèves ton casque, faut arrêter d'être un connard, d'accord? Quand tu as un mec qui envoie un signal et que dans le vaisseau tu le reçois pas, mais le mec qui est sorti avec son scaphandre qui est à 20 mètres de ton vaisseau, lui le reçoit parce qu'il était soi-disant un peu plus près, ça c'est de la merde. Quand tu as des mecs qui vont devoir coloniser une planète et qui finalement changent de planète parce qu'il y en a une qui a l'air un peu plus sympa et parce qu'ils veulent pas rentrer dormir alors qu'ils ont le destin de 2000 personnes dans leur vaisseau, c'est de la chiasse, d'accord? C'est de la chiasse de fond en comble. Le truc c'est que quand tu regardes Prometheus après avoir regardé Covenant, Finalement, Prometheus, tu trouves qu'il a du sens, bizarrement, tu vois. Alors que c'est quand même de la grosse chiasse, mais il a quand même du sens. Alors que Covenant, il n'a aucun de fucking sens, ce film. Moi, c'est rare, mais je suis sorti de la salle de cinéma, mais j'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Déjà d'avoir dépensé mon pognon pour voir ça, et en plus parce que en effet, mais il y a du non-sens mais non-stop dans le film, ça n'arrête jamais, tu es incapable de justifier la moindre action dans ce film. Je vous conseille de regarder d'ailleurs je crois que c'est Pourquoi j'ai raison vous avez tort, ou alors la chronique, je sais plus, de Durandal, je la mettrai en lien dans la vidéo. Il explique tout ce qui foire dans le film, mais c'est un festival, on peut pas accepter en 2017, qu'un film sorte comme ça. Il y a des loopholes dans le scénario, mais partout, absolument partout. C'est vraiment... les personnages n'ont aucun sens. On n'en connaît aucun. Il y a des couples et tout. Ils parlent entre eux, mais tu t'intéresses absolument à aucun des personnages. Ça ne veut rien dire. Enfin, il y a vraiment... Je suis scandalisé, franchement. Je suis scandalisé par ce que Ridley Scott a fait de cette série. Et voilà. Même la façon dont ils sont infectés. Ah oui, non, mais non, c'est... Tu respires une spore et puis ça y est, c'est bon, quoi. Mais, non, mais je te dis, mais les mecs, ils enlèvent leur casque dans une, sur une planète qu'ils connaissent pas, quoi. Enfin, dire, what the... C'est des scientifiques, les gars. C'est des scientifiques. Bah, parce quoi. Que ça disait que normalement, c'était un environnement vivable comme sur Terre, comme la colonie qu'ils devaient apporter ailleurs, qui était, bon, certes, 7 ans de voyage plus tard, mais allez, on va là-bas. Ah, ouais, non, franchement, c'est de la merde. Non. Le seul truc qui, je trouve, est intéressant et a le mérite d'exister, c'est justement l'explication. Moi, à chaque fois, j'attends le troisième acte de la série pour être sûr que c'est de la merde à fond, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui sauve. C'est pour ça que j'attends le dernier Star Wars, là, et que j'attends le dernier Alien. C'est comment il s'appelle, le Requiem, je crois, le dernier. Jusqu'au bout. On va voir, je sais plus. Enfin, bref, voilà, j'attends jusqu'au bout quand même, mais là, ça va être très très difficile à sauver. Et le seul truc, donc, positif, je reviens à ce que je voulais dire, que je trouve assez bien traité dans Covenant, c'est le rôle de David. Et même dans Prometheus Covenant, je trouve que voilà, David est le personnage vraiment intéressant, et on comprend du coup pourquoi est-ce qu'il fait foirer tout, et pourquoi en fait c'est le vrai méchant. Et je trouve que la fin de Covenant, où on le voit mettre un embryon de xénomorphe dans le réfrigérateur où il y a tous les embryons d'humains, ça a été quand même une image forte, je l'ai trouvé assez sympathique, même si évidemment on savait depuis le début que ça allait être David qui allait rentrer dans le vaisseau et pas l'autre androïde là, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, Walter. Walter, le deuxième Michael Fassbender. Voilà, ça c'est le truc qui a été bien traité, mais alors sinon c'est vrai que c'est de la merde de bout en bout, les mecs ils se font déglinguer, mais tu t'en fous complètement parce que tu les connais même pas, enfin c'est pour moi, c'est vraiment scandaleux, c'est un film qui est vraiment scandaleux. Alors pour finir, en fait, j'ai récupéré deux petits commentaires. Alors le premier sur Prometheus, c'est l'Express hein, qui avait écrit ça, et je pense que Kevin Chéret va s'y retrouver. Voici un film de science-fiction comestible pour le commun des mortels, sauf pour le fan d'Alien qui en ressortira avec la boule au ventre. Et dans l'espace, tout le monde l'entendra crier son désespoir. Ah non, mais c'est clair. Franchement, c'est ça, hein. Ah ouais, non, mais j'étais tellement dépité, moi, quand il est sorti, celui-là. Et Alien Covenant, c'est un film d'actu qui avait dit, alors qu'on s'attendait au retour en grâce de Ridley Scott, Alien Covenant se révèle être juste la déception absolue. Oui, Alien Covenant est certainement le pire film de mythologie alien. Au secours, Ridley. Voilà, donc ça montre bien que, finalement, les gens qui aiment Alien... n'aime pas ces deux films, en fait. Alors oui, pour rappel, le plus mauvais film Alien, c'était AVP 2, Requiem, qui était mais une chiasse avec des aliens qui arrivent dans une ville américaine avec des collégiens et tout. Enfin, c'était vraiment de la chiasse absolue. Mais alors, c'est vrai que quand, du coup, faut relativiser ça avec Covenant. Hein. Vraiment, il y a un match, là. Il y a un match. Ok, bah écoutez, bah merci en tout cas de m'avoir énervé pour la fin, c'est sympa quoi. Voilà. Je suis content de vous laisser avec chargé de haine. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette édition spéciale d'été vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous avez adoré Alien Covenant. Ne vous inquiétez pas, on vous jugera pas. Alors vous avez le droit, hein, mais on ne vous aime pas. Après, quand on dit allez, que ça ne se discute pas, mais bon. Exactement, et en tout cas, n'hésitez pas. Et si vous avez par exemple des idées de séries qu'on pourrait discuter, par exemple, je pensais à Jurassic Park parce que oui, alors ça, oui, ça on peut en parler aussi. Hein. Oui. Voilà, n'hésitez pas, tous les conseils sont bons à prendre. Et si ce format aussi vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire des retours, ce sera pris avec grand plaisir. Je vous fais à tous plein de bisous, et puis je vous dis à très vite. Et puis à très vite à May et à Vinciré et à Kilvan évidemment quand il aura soigné sa sclérose du foie. On lui fait des bisous. Merci à tous, merci, salut. Merci en tout cas.